Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis, Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis, Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Bonjour, bonjour tout le monde. Hello. Bonjour, bonjour. Comment ça bonjour va, Adrien? Bonjour, bonjour Freddy. Très bien. Bonjour, bonjour Romain. Bonjour Adrien. Bonjour. Well, I'm doing pretty well. What about you guys? Doing well too. Oh, great. Yeah. Yeah. It's nice out. Yes. That's yes, really nice. Not too hot. All right. So this week, Romain is in charge of the playlist. Yes. Yes. The theme is well, summer. Yeah. And vacation. Nice. As well, you know, most French people, when they go on vacation, it's, I mean, not most, but August is the month. That's actually the month that people should go to Paris because it's completely empty. And so it's hot, no? Isn't it hot enough? Yeah, well, today, yeah, well, this past weekend was very, very hot and very empty due to in August and due to the heat. COVID. So, yeah. And the heat and COVID. And, that, and the heat. Stay inside in museums. I wonder where everybody is going for vacation. Maybe you should put that in the comments when you hear this. Where is everybody going during COVID for vacation in August? Yeah, gonna be. I've seen people going out of state, up north, or even in France. Usually, people stay within the country or within in France. Going to Brittany, I've seen some people and Bordeaux. Yeah, we should do a post on Facebook and ask where people are going. Where are you all going? Well, we're asking now. Saint-Paul-les-Bains. Saint-Paul-les-Bains. Yeah. Minneapolis-sur-Mer. Yeah, when we were not going on vacation, we were often kidding Châtelet-Plage or joking. Which actually is kind of true with Paris-Plage. It was. But at the time when we were saying that, there was no Paris-Plage yet. Paris-Plage when did they start Paris-Plage? Early 2000? Early 2000, because it was started by the new mayor, and I was already gone. I left that in was, 2000. Anyways, do not swim if you go to Paris-Plage. Paris-Plage is just for the sand. That's it. Yeah, enjoy the sand under your feet, warm sand. Still quite polluted. So, we want to thank you. All the people who contributed to our pledge drive last week, I mean the summer pledge drive, because it's been a great pledge drive according to the KFAI. Thank you so much. Yeah. And we have a new director general also at KFAI. So that's, that's exciting. That's great news. He's young, dynamic, has a lot of experience in radio. Yeah, he seems like a really cool guy, very open to new things. True. And one of the news we learn also is that the frequency 106.7 in Saint Paul has been sold because they amplified the frequency, Minneapolis. And so there was a little bit of an overlap. And it has been sold to community radio. Yeah, which is awesome. Which is great. So no more sample frequency, but I think it's in this case, it's less confusing. And people who don't receive KFAI can always go to kfai.org and stream us. That is true. And by the way, there was Bertrand Delanoë. Merci. Bertrand Delanoë, that's it. Yes, thank bébé. You, Romain. Yeah. And 90.3 it is. Thank you very much. 90.3 FM in Minneapolis and St. Paul. And I wanted to personally give a shout out to Adrien for the show from last week about Saint-Tropez. Oh, thank you. That was so much fun. It was so much fun to listen to. I mean, like listening to your dad and to some of the information. I mean, you know, I'm a Parisian. So outside of my mom's family, who's not from Paris, and some cousins that got lost in Bordeaux, there's a lot of regions in France that I don't know, and Saint-Tropez is one of them. I mean, like, I don't really know that part of the country, and it was really great to hear more about it. Well, I think, you know, one day the three of us or extended with wives, and we should go to Saint-Tropez. Yes. when KFAI will have millions and millions and we can get the trip sponsored by KFAI. And we'll never come back. Yes, it was nice to talk to my dad about it. I've learned so much as well. You know, it was a good opportunity to connect on that. And I'm glad they transported you at least for a short period of time to the shores of the Riviera. Yeah, that was great. Thank you again. So let's start with this theme, summer and vacation and sun, all what we have here actually right now in Minneapolis. Donc c'est parti with the first three songs will be Kinve with Tahiti, followed by Marc Lavoine, On est passé à l'heure d'été, this is Daylight Savings Time, et Mort Schumann with Un été de porcelain, Summer of Porcelain, et c'est la that's the soundtrack to L'Hôtel de la Plage, 1979. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur le vol 777 à destination de Papeete, Tahiti. Longue, longue, longue après-midi.

So we listened to Kinve with Tahiti, followed by Marc Lavoine with On est passé à l'heure d'été, and Mort Schumann with Un été de porcelaine. Programming on KFAI is supported by the French-American Heritage Foundation of Minnesota, whose mission is to promote and cultivate the heritage of French language cultures. Learn about the many French-American Heritage Foundation events and celebrations at fahfminn.org or on Facebook. Merci beaucoup. So tonight, actually, we are the 4th of August, and this date is a very important date in French history and French Revolution. La nuit du 4 août, the night of the 4th of August, 1789, this is when the assembly made the decision to abolish privileges that dated back to the Middle Ages. So this is the night when, well, not tonight, but in 1789, when the French revolutionary decided to abolish all the privileges that the nobles in particular had in order to put all the citizens on the same level, equality-wise. So if you ever heard people talk about La Nuit du 4 août, the night of the 4th of August, that relates to 1789 with the abolition of privileges. The next three songs will be C'est Jérôme with Dernier Baiser, which is the French version of Sealed with a Kiss that you will recognize, followed by Jennifer with Au Soleil, In the Sun, and Pierre Perret, Les Jolies Colonies de Vacances, The Great Summer Camps.

terre en gerbe de feu. Écoute les sophies, à toi comme l'on s'offre à Dieu. The three songs we just listened to are Les Vacances au bord de la mer by Michel Jonas, followed by Une belle histoire, Beautiful Story by Michel Fugain, and another song by Michel Fugain with Soleil, Sun. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis, Saint Paul, and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Now we're going to listen to L'Impératrice with Vacances, Vacation. Michel Polnareff with Holidays, and Lily Cube with Voyage en Italie, Trip to Italy. Je sens l'odeur. Au milieu de la nuit, un aller prendre un bain sur une plage à Capri, voir sur ta peau le soleil se lever, à la Madone envoyer des baisers. Au milieu de la nuit, en catimini, et va la nave et va la douce vie. On s'en ira toute la vie danser le calypso en Italie. Et boire un libretto maintenant trop beau, du coup Paris quand Paris est à l'eau. So we just listened to L'Impératrice with Vacances, Vacation, then Michel Polnareff with Holidays, and Lily Cube with Voyage en Italie, A Trip to Italy. And now let's talk about the events. The first upcoming event is going to be on Thursday, August 6th, between 5 and 6:30, and it's the book club of August with The Widow Clicquot, or La Veuve Clicquot, and it's organized by Cuckoo Minneapolis. The specifics are online, so go, feel free to go either on their Facebook page or on our Facebook page. Then, on Wednesday, August 12th, between 7 and 8 p.m., the Alliance Française is organizing Les Navigateurs de la Littérature Book Club. And in this case, right now, they haven't specified what book they were going to talk about. But it's also an online event, and you go either to afmsp.org or to our Facebook page, and you can click on Get Tickets, and you can get the reservation to get the link. Then, on Thursday, August 13, from 6:30 to 7:30, there's going to be an event with the Alliance Française called Uncovering the Secrets and the History of the Paris Metro. Join the Alliance Française de Dupage Vice President Charles Coulon as he takes a deep dive into the Paris metro system. It's also an event online, so you gotta register, and the link is on the Facebook event, either on the Alliance Française Minneapolis Saint Paul or on our Facebook page Bonjour Minnesota. Just go to the events, find it, find the link. And I just remind you that all the movies posted on our Facebook page from last week, a lot of them are still playing, so either with the Parkview Theater or the Riverview Theater or the MSP Film, there's quite a few French movies playing in the virtual cinema. And now, back to the music. Now we're going to listen to Les Négresses Vertes with Voilà l'été, Here Comes the Summer. Then Coluche with Les Vacances, Vacation, and Riss et Barrier with Les Vacances as well. It's not the same, it's just the same title, Les Vacances, Vacation. J'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. clés dans ma tête qui bourdonne les abeilles. J'entends rugir le plaisir de la vie. C'est le retour des amours qui nous chauffent les oreilles. Il fait si chaud qu'il nous pousse des envies. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail. Les filles sont belles et les dieux sont ravis. Enfin l'été, enfin l'été, enfin l'été. Le métro c'est tout devient purulent. Dans ses souliers le passager abruti a dit quoi t'es qui s'exprime violemment. Il y a plus d'amis, les voisins sont partis. L'été Paris c'est plutôt relaxant. On rêve de plage et la Seine est jolie. Superflu, il fait trop chaud, le soleil m'a pas ourdi. Rillette sous les bras, j'avance dans la rue. Je pense à ces cons qui seront chiés dans le midi. Tous ces torches qui vont cuire dans leur jus. Tous ces noyés, le mer, quelle saloperie. Et sur les routes, le danger, ça vous tue. Vivement l'automne, je me sens tout aigri. Voilà l'été, j'aperçois le soleil. Les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles. J'entends rugir le plaisir de la vie. Voilà l'été, j'aperçois le soleil. Les nuages filent, le ciel s'éclaircit. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail. Les filles sont belles et les vieux sont ravis. Voilà l'été, voilà. Oh, je suis crevé là. J'étais en vacances, je suis crevé, dis donc. C'est fatigant. Hein. Je sais pas qui c'est qui a dit partir, c'est crever un pneu, mais il avait raison. Hein. Les voyages forment la jeunesse, ils disent. Je te dis pas dans quel état ça met les valises. Hein. On était partout avec ma femme, on est descendu. On était à Lisieux, on a mis le pied dans la grotte. Du pied gauche à Port d'Honneur, hein. Je voyais pas bien l'intérêt, je m'étais dit Lisieux, tout le monde en parle. C'est surtout les infirmes que ça intéresse. Ceux qui ont été à Lourdes, sûrement, on leur a dit « ça vous a rien fait, il vous reste Lisieux pour pleurer, je sais pas. » Je sais pas, hein, je dis ça. C'est une connerie. On a fait plein de pays, on a fait la Turquie. Alors la Turquie, c'est nul. Déjà que les Turcs y restent, mais que les autres y aillent, non, je vois pas, non. Et alors, ils parlent que turc, hein, les Turcs. Moi, je parle un peu le turc, mais sous la torture, sans ça. J'étais au Chili aussi, c'est bien, mais seulement à 6h15, tout est fermé au Chili. J'ai vu un flic dans la rue au Chili, il a demandé à un mec, qu'est-ce que t'en penses, toi? Il a dit, ben, comme vous. Il a dit, ben, je t'arrête, alors. Non, pour nous, pour les vacances, il y a un pays qui est bien, qui a gardé ses traditions, c'est la Suisse. Non, parce qu'au moins, c'est propre, quoi. On n'attrape pas... On peut attraper que des médicaments en Suisse, on peut pas attraper de maladie, vous voyez. Et puis au moins, il n'y a pas de pauvres, ou alors ils sont pas suisses. Ils ont gardé les traditions, le matin on fait la gymnastique à la radio, Lever, baisser, lever, baisser. Bon, maintenant, on va faire l'autre paupière. Moi, ce que j'ai surtout détesté à l'étranger, à part les étrangers eux-mêmes, évidemment, c'est surtout qu'ils ne parlent pas français. Et selon les pays où qu'on va, ils ne parlent pas le même étranger. T'apprends l'étranger, tu vas ailleurs, tu ne sais plus parler avec les mecs. T'arrives à Dakar, c'est une grande ville, avec un plan de Paris, il n'y a pas une rue qui correspond. Ils disent qu'ils veulent développer le tourisme, ils se foutent de nos gueules quand même un petit peu. Hein? Quand même un petit peu. Crévin Dieu, là l'été les vacanciers vont arriver, là l'été les vacanciers vont arriver. Ils s'en viennent, on sait pas d'où, ils s'en vont par un autre bout. Là l'été c'est l'invasion des vacanciers. Lucien, c'est mon fils. Écris donc Euphrée sur la porte. Ouais. C'est les vacances, c'est la transhumance. Les vacanciers, c'est comme les fourmis, ça se répand partout dans le pays. Plus ça va et plus ça s'enhardit. L'an dernier, j'en avais pas trouvé un dans mon lit. Oui. Le vacancier du mois d'août, c'est vraiment une race à part. C'est comme des hiboux avec leurs lunettes noires. Ils se promènent quasiment nus, on voit plus de poils que de tissu. Moi, je rigole quand ils s'assoient dans mes gratuits. Viens, on voit Germaine, c'est ma femme. Regarde-moi celui-là, c'est un homme ou une femme? Oh, ben c'est une femme, elle a pas de broyette. C'est les vacances, c'est la transhumance. Les vacanciers, c'est comme les sauterelles. Quand ça tombe, c'est pire que la grêle. D'un seul coup, on en voit partout. Y'a vraiment que la pluie qui arrive en venir à bout. Le vacancier, quand il roule, faut le jeter sur le bon côté. Va falloir laisser les poules au poulailler. C'est ben pis quand il s'arrête, il pense plus qu'à son gésier. Faut que je mette du barbelé à mes poiriers. Attention, hein, Sophie, c'est ma cadette. Je veux bien que t'ailles au bal, mais avec ton frère. Avec tous ces Parisiens, C'est les vacances, c'est la transhumance. Les vacanciers, ils sont comme la pluie. Quand elle vient, on y dit merci. Mais on sent mieux quand elle est partie. Pourtant, ça me plairait de trouver un pour la Marie. Oui, c'est mon aîné. Et je sais pas quoi que je vais en faire. Crève Dieu, v'là l'été, les vacanciers vont arriver. V'là l'été, les vacanciers vont arriver. Y'a qu'une chose que je comprends pas, c'est pourquoi qu'ils viennent ici. Moi, quand je veux des belles vacances, je monte à Paris. Avec la Jeannette. La Jeannette, c'est... Ouais. So we just listened to Les Négresses Vertes with Voilà l'été, Here Comes the Summer, and followed by Coluche with Les Vacances and Rissé Barrier. Also, Les Vacances. Now we're going to listen to Les Wriggles with Les Vacances, Vacation. Then Julien Clerc with Laissons Entrer le Soleil, which is the French version of Let the Sunshine In from Hair, the musical. And then Corinne with Il fait chaud, It's hot. C'est bon, j'ai trouvé l'autoroute. Grosse bête, je vous ai préparé des casse-croûtes. Oh la tempête!

poser des beignets. Je m'appelle mec, il y en a un qui pique un phare. Je trempe un doigt, je trempe un pied. Les vagues lentement caressent la fine peau de mes poignets, abîmée par la sécheresse. Il fait chaud. Il fait chaud. So we listened to the Regals with Les Vacances, followed by Let the Sunshine In, Laissons entrer le soleil, avec Julien Clerc, and Corinne with Il fait chaud. Bonjour Minnesota on KFAI Fresh Air. Music, interviews, event calendar, and announcements for the Francophone, Francophile community, highlighting the diversity of French-speaking culture. Tuesday, 8 to 10 p.m., 90.3 FM. Check us out on facebook.com/bonjourminnesota. Now we're going to listen to Annie Cordy with Hello, Le Soleil Brille, which is actually is on the soundtrack from The Bridge on the River Kwai. Then Serge Gainsbourg with Sous le Soleil Exactement, Under the Sun Exactly. And Richard Gottener with Soleil, Fais-moi ma fête. Ta mère, ton bon vieux père et tous tes amis. Et hello, Entre-moi dans la hure, soleil. diantre fichtre bigre. Aïe. J'ai le gourouin qui au jour. Aïe, aïe. Des torgnoles au cagnard. Aïe. M'ont embrasé le blé. Aïe, aïe. Qu'on me oigne le dos. Aïe, aïe, aïe. Faites gicler le gras. Aïe, aïe. Si l'avant est ok. Mets ton plat au l'arrière. Aïe, aïe. Fais briller ton revers. Envoie bel astre. Allez, vas-y, bastonne. Envoie tes ramponneaux, donne. J'encaisserai sans broncher tes pains comme des canaux. Allez, vas-y, mon gros, cogne. Viens, yeah. Soleil, soleil, viens. Yeah. Viens et me frappe, yeah. Viens, cogne. Même en plein, yeah. Vas-y, soleil, tape. So we listen to Annie Cordy with Hello, Le Soleil Brille, which is the song from the soundtrack, The Bridge on the River Kwai. Then Serge Gainsbourg with Sous le Soleil Exactement, and Richard Gottener with Soleil, Fais-moi ma fête. Now we're going to listen to Claude François with Le Lundi au Soleil, Monday in the Sun. Marc Lavoine, again, with Deux Guitares au Soleil, Two Guitars in the Sun. And Gilbert Montagnier, with Sous le sunlight des tropiques, under the sunlight of the tropics. Regarde ta montre, il est déjà 8 heures. Embrassons-nous tendrement. Un taxi t'emporte, tu t'en vas mon cœur, parmi ces milliers de gens. C'est une journée idéale pour marcher dans la forêt. Serait plus normal d'aller se coucher seul dans les genêts. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille que le ciel est beau, qu'il doit faire beau. Tu es à l'autre bout de cette ville, là-bas comme chaque jour. Les dernières heures sont les plus difficiles, j'ai besoin de ton amour. Et puis dans la foule au loin, je te vois, tu me souris. Les néons des magasins sont tous allumés, c'est déjà la nuit. Le lundi au soleil, thank you. J'ai suivi les rues qui descendent à la plage. Parmi les voyageurs voyageant sans bagage, j'ai suivi mes pas et j'ai croisé les tiens. Ton ombre, jolie comme un ange femme, tes cheveux détachés et libres d'âme. J'ai suivi les chemins des cartes anciennes. Elle a lu dans ma main la carte ancienne. J'ai suivi mes instincts. J'ai croisé tes yeux. Tu es belle comme un ange qu'on déshabille. Tes chevilles détachées de libres filles. Moi qui n'avais plus l'envie d'aimer, me voilà pris dans le tourbillon salé des larmes et des baisers, de rire et de la joie. Prends-moi la main, viens danser. We just listened to Claude François with Le Lundi au Soleil, Monday in the Sun, Marc Lavoine, Deux Guitares au Soleil, Two Guitars in the Sun, and Gilbert Montagnier with Sous le Sunlight des Tropiques. Now we're going to listen to another series of three songs with Yves Montand, Du Soleil Plein la Tête, which means Sun in My Mind, Pierre-Paul Jacques with Voilà le Soleil, Here Comes the Sun, and Pomme with Soleil, Soleil, Sun, Sun. Trouvez belle la vie quotidienne, ça peut vous paraître innocent, mais la joie des autres, c'est la mienne, et ça me rapporte 100%. Ne cherchez pas, c'est à cause de ça que j'ai du soleil plein ma tête. Du printemps plein mon cœur, dès que je chante une chansonnette, j'ai de la joie et du bonheur, et je descends faire un petit tour, et toute la ville m'en met plein la vue, et en passant je dis bonjour à tous les copains que je croise dans la rue, car la vie est vraiment chouette quand on la prend gentiment. Il y a bien de temps en temps des petits embêtements, mais quand ma rue me sourit, alors je suis content. Comme chanson, mais que peut-être ce sont mes vibrations rentrées. Ces paroles me sont dictées par le roi des rois. C'est très compliqué, mais ça ne se voit pas. Le voilà, le voilà, le voilà, le voilà, le soleil. Oh, qui n'aime pas, ne sent pas, ne kiffe pas sa chaleur. Le voilà, le voilà, le voilà, le voilà, le soleil. Ne veut pas, ne peut pas se déshabiller. Pas sa chaleur. Le voilà, le voilà, le voilà, le voilà, le soleil. Qui ne veut pas, ne peut pas se déshabiller. Pendant tout l'hiver, on n'en a pas peu. On se cachait en attendant l'été. Derrière les murs et toutes les on en a fait vraiment par-dessus la tête. Le voilà, le voilà, le voilà, le voilà, le soleil. Qui ne sent pas, ne kiffe pas, ne kiffe pas sa chaleur. Le voilà, le voilà, le voilà, le voilà, le soleil. Qui ne veut pas, ne peut pas. Pas pourquoi, quand vient l'hiver et le grand froid, on voudrait tous mourir. Comme si c'était la première fois que la nuit tombait dans nos bras, on voudrait tous partir, retrouver le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines. Le soleil qui nous hante. Regardez jamais en bas où le méchant loup vous mangera, vous perdrez l'équilibre. On va tous compter jusqu'à trois et faire une chaîne avec nos bras sur la route du sud. Retrouver le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines. Le soleil qui nous hante. On ne va pas tous mourir. Entre les braises on marchera et la nuit noire nous embrassera. On pourra tous partir. On pourra tous partir. We Just Listen To, Yves Montand, with Du Soleil Plein la Tête, Pierre-Paul Jacques, with Voilà le Soleil, and Pomme, with Soleil, Soleil. Eh ben, thank you very much for listening. And merci tout le monde. Yeah, very yes, happy. Yes, thanks for listening. And we'll be here next week next for week. You. Exactly. And next week, we'll be celebrating Freddy's birthday. Yay! August 8th. I gotta pick the song. Yes. That sounds like usual. But I gotta pick my favorite songs. No yes. theme, no... No like, theme, I, just you. Yeah, just me. Yeah. The soundtrack of your life. Oh, maybe not that much. I mean, no? I, we okay. don't want to scare people. But oh, no. Yeah, and we're always on KFI.org. So if you want to look at the archive, you always have the two past weeks recorded after we do the show. Typically, it's the next day. So you can always catch up. Mm-hmm. And yeah, follow us on Facebook too, as well. Parfait. Thank you. À merci. Au revoir. Au revoir.